Le banquet consacré au 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée a eu lieu le 9 septembre au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont participé Kim Yong-nam, Park Bong-joo et d'autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les cadres des organismes des forces armées, du cabinet ministériel, des ministères et des établissements centraux, les anciens prisonniers non convertis à long terme, les militaires et civils exemplaires dans la campagne de 200 jours, les méritants, le groupe de félicitations des Coréens au Japon pour la célébration du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, les compatriotes d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste, le représentant de la succursale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, les représentants diplomatiques de divers pays et des institutions internationales, ainsi que les attachés militaires à Pyongyang et leurs femmes et autres hôtes étrangers.